Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons ensemble pour notre rendez-vous hebdomadaire Minute Bonheur. Les mardis à 8h et 13h30. La semaine dernière, je n'ai pas pu vous délivrer Minute Bonheur suite à un vilain mal de cervicale qui ne m'a pas permis de pouvoir écrire cette chronique. Et le comble est que mardi dernier, le 20 mars, c'était la journée internationale du bonheur. Mais pas de panique, on reste optimiste, on voit la vie du bon côté, on n'en perd pas une miette et on rattrape le coup. Depuis 2013, à l'initiative de l'ONU, une journée internationale du bonheur est organisée chaque 20 mars. L'ONU s'exprime ainsi dans sa résolution relative à la création d'une journée internationale du bonheur. Sachant que la recherche du bonheur est un objectif fondamental de l'être humain, consciente de l'intérêt que revêtent le bonheur et le bien-être, objectif et aspiration à caractère universel dans la vie des êtres humains partout dans le monde, et ayant à l'esprit qu'il importe de les prendre en compte dans leur programme d'action publique. Il y fait super froid, la lumière du jour est quasi inexistante, et pourtant, encore une fois, les pays nordiques sont les plus heureux, selon le World Happiness Report établi par l'ONU. Présenté au Vatican ce 14 mars, ce rapport établit la liste des pays où il fait bon vivre depuis 2012. Pour ce faire, un échantillon de 1000 personnes a répondu à une série de questions en évaluant leur qualité de vie sur une échelle de 1 à 10. Les chercheurs se sont basés sur plusieurs critères: la compassion, la liberté, la générosité, l'honnêteté, la santé, les filets sociaux et la bonne gouvernance. Cette année 2018, la Finlande est en tête du classement, suivi par la Norvège qui était première en 2017. Le Danemark clôt ce trio gagnant. Quant à la France, elle gagne 8 places en arrivant à la 23e position. Les États-Unis dégringolent de 4 places et sont 18e. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche n'y est pas pour rien. Enfin, sur les 156 pays, le Burundi est dernier. Les Danois, troisième de ce classement, ont trouvé depuis longtemps la recette du bonheur, mais c'est seulement maintenant qu'ils daignent la partager avec nous. Cette recette qui sent bon le feu de bois et les câlins sous un plaid doudou s'appelle le hygge. Le hygge n'est pas une tendance, c'est un véritable art de vivre, un état d'esprit même. C'est rendre sa vie plus belle en y insufflant une bonne dose de douceur et de chaleur. Le terme est compliqué à traduire, alors le hygge, c'est quoi exactement ? C'est savoir être présent et ensemble, c'est un sentiment de chaleur, de sécurité, de réconfort et de protection. C'est une expérience d'individualité et de communion avec les personnes et les lieux qui nous ancrent et nous affirment, nous donnent du courage et nous consolent. C'est une invitation à l'intimité et à la connexion. La philosophie du hygge est d'être plutôt qu'avoir. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède, disait saint Augustin. Inutile d'apprendre des recettes danoises ou les secrets du mode de vie scandinave, le hygge se trouve en se demandant quelles activités et quels lieux nous permettent de nous détendre, qui est ce qui contribue à notre bien-être et notre confort. Dans une période d'instabilité globale, nous nous sommes coupés des autres et de notre environnement. Nous avons perdu l'authenticité du réel et devons trouver de nouveaux moyens de consommer et de se connecter. Le hygge vient d'une société où l'humain passe avant les biens. Il est lié à l'idée que la vraie richesse n'est pas celle que nous accumulons, mais celle que nous partageons. Le hygge, c'est donc être à l'écoute de soi et des autres, troquer sa mauvaise humeur contre un bon verre de vin entre amis, fleurir son jardin, prendre un moment pour savourer un thé brûlant, enfiler des chaussettes en laine et préparer un feu de cheminée. Bref, le hygge, c'est ralentir son rythme et miser sur les petits moments qui composent notre bonheur. Pour se laisser emporter par la vague hygge, rien de plus simple. Un foyer accueillant. Le foyer n'est pas lié à un endroit en particulier. En effet, il peut s'agir de l'endroit où l'on vit, d'un appartement inconnu que l'on loue ou encore d'une résidence secondaire. Mais dans tous les cas, l'idée reste la même. Le foyer est un lieu de réconfort qui nous ressource. Le hygge est fortement associé à notre notion du foyer, au plaisir d'être dans un environnement sûr et accueillant. Le foyer est un état d'esprit que nous élaborons pour nous, où que nous soyons. La notion de foyer à la danoise, c'est donc être chez soi partout. Pour cela, il faut privilégier des endroits où l'on se sent bien et en sécurité. Il faut habiter le lieu, le rendre accueillant en allumant des bougies, en le décorant avec des matières naturelles. Bref, c'est en misant sur les détails simples que l'on se sent épanoui chez soi. C'est là que commence le hygge. Magnifier son quotidien. Utiliser le contexte et les choses du quotidien pour créer une atmosphère confortable prépare le terrain pour des moments imprévus d'intimité et de bonheur. Les Danois ne voient pas la routine comme une sorte de léthargie dont on n'arriverait pas à s'extirper, mais comme des petits moments de réconfort qu'il faut chérir. Par exemple, la pause café du matin avec ses collègues de boulot, le rituel du coucher, les petits déjeuners pris en famille et non à la va-vite, ces petites choses sont des occasions d'atteindre un différent niveau d'expérience quotidienne, concrète et chaleureuse. Se réconforter les uns et les autres. Si le bonheur de chaque individu est au centre du hygge, les Danois n'oublient pas que c'est aussi le partage et la convivialité qui permettent d'atteindre le bonheur en question. Inviter ses amis à déguster une bonne bouteille de vin, rire avec eux mais aussi les écouter et les réconforter sont au centre de cet art de vivre. Il est important de hygger avec quelqu'un qui se sent triste. Ainsi, nous pouvons explorer la subtilité de l'empathie, préparer un bon repas à l'être, aimer quand il a le moral dans les chaussettes, inviter une amie à partager un chocolat chaud permet non seulement de créer une ambiance agréable, mais aussi de se sentir en lien avec l'autre, tout ça en le réconfortant. L'importance du toucher. Se réchauffer passe par le foyer et la compagnie des autres, mais aussi par le toucher. Des draps propres, en lin ou en coton, le poids réconfortant d'une couverture nous invite à nous arrêter pour hygger. Se glisser au lit en hiver et retrouver le chat qui nous réchauffe les pieds, bref, l'intimité, le réconfort et la proximité passent aussi bien par les vêtements que nous choisissons que par les matières qui composent notre mobilier. Le partage du repas. Transformer l'acte de manger en partage est au centre du savoir-vivre à la danoise. L'amour que nous mettons dans la préparation du repas change sa nature et la façon dont nous le servons transcende l'expérience. Le hygge est présent dans la cuisine grâce à de petits gestes comme de réchauffer les assiettes et les bols avant de les poser à table ou de rendre appétissant le plat le plus simple en soignant sa présentation. Le hygge se cache dans les détails les plus simples. Passer une recette de génération en génération, placer une bougie au centre de la table, cuisiner le dîner à deux aide à faire du repas un plaisir partagé. Célébrer l'imperfection. Quand on pense art de vivre à la Scandinave, on imagine un intérieur accueillant. Pourtant, le hygge, c'est aussi célébrer l'imperfection. Le perfectionnisme entrave le hygge, il nous fait retenir notre souffle et tend l'atmosphère. Le hygge doit fuir l'ordre et l'uniformité. Oublier la décoration parfaite et hors de prix, c'est en misant sur une vie authentique et naturelle, en étant simple, en montrant ses imperfections, qu'on peut enfin atteindre une certaine plénitude et se sentir plus à l'aise en présence de ses proches. Se reconnecter à la nature. Plus facile à dire qu'à faire, diront les citadins. Et pourtant, il suffit de peu de choses pour se sentir plus proche de la nature, même lorsque l'on vit en appartement. Les Danois invitent la lumière et la vitalité de la nature dans leur foyer en ouvrant leurs fenêtres et en mettant des plantes sur leurs balcons et leurs tables. Adultes et enfants font du vélo, marchent en profitant du soleil ou en se protégeant du vent et de la pluie, prennent les transports en commun. Attendre à l'arrêt de bus ou se croiser dans la rue en vélo a quelque chose de familier et d'intime. Troquer sa voiture contre le vélo, profiter du week-end pour s'offrir une balade en forêt ou à la mer, pique-niquer au soleil dans un parc, planter du basilic dans une jardinière, c'est aussi ça le hygge. La puissance du rituel. C'est en ritualisant les gestes du quotidien que l'on crée des moments extraordinaires dans nos vies ordinaires. Elle cite volontiers le bain, le seul moment où, nus et seuls dans l'eau chaude et le silence, nous célébrons un ancien rituel privé. Mais le hygge, c'est aussi ouvrir chaque matin la fenêtre de sa chambre, même s'il fait froid dehors, pour laisser entrer la fraîcheur et le soleil. C'est choisir la playlist qui accompagnera notre postée du dimanche. C'est terminer chacune de ses journées en se glissant avec un livre dans notre lit, ou encore c'est créer du lien avec les autres en retrouvant chaque soir une amie pour une balade vivifiante. Les rituels bien-aimés nourrissent notre conscience et notre désir de continuer, voire de prolonger la vie. Le hygge nous aide à rester en contact avec les rythmes de l'existence, les cycles des jours et des saisons. Le hygge est à la portée de tous, il suffit de privilégier l'optimisme au pessimisme et d'investir dans un lot massif de bougies. Après tout, ce n'est pas pour rien si les Danois en sont les plus gros consommateurs au monde. J'espère que vous trouverez au sein de ces quelques conseils sortis de la philosophie danoise quelques pistes à explorer dans vos quotidiens. Ailleurs, Oponopo à Hawaï, Ikigai au Japon, le Larcom en Suède sont toutes des méthodes d'épanouissement. Peut-être que nous en parlerons durant une prochaine Minute Bonheur. Et je finirai avec cette citation d'Albert Camus. Mais qu'est-ce que le bonheur si ce n'est l'harmonie entre un homme et la vie qu'il mène ?